بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في شروط الدعاء وآداب وفوائد الدعاء، سائلين الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، donc on va continuer inchallah sur notre étude des conditions concernant les conditions des invocations, le comportement et les bienfaits de l'invocation, les bienfaits de la vocation. Et donc les fois dernières on avait terminé sur l'étude, dans les dernières assises on avait terminé sur l'étude concernant les conditions de l'invocation, et on avait commencé l'étude liée concernant le comportement lors de l'invocation. Et donc on avait parlé de l'importance du sujet, du fait qu'il était important de connaître les conditions de l'invocation et de connaître le comportement, le bon comportement adopté lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que comme on l'avait relaté dans les assises précédentes, l'invocation fait partie des plus grandes adorations qui a été légiférée dans notre religion. Et donc Allah Jalla wa Ala a légiféré l'invocation. Et cela fait partie des plus grandes adorations comme on l'a précisé. Et donc cela implique et veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée l'invocation. Et donc Allah Jalla wa Ala nous appelle à l'invoquer dans son livre. Et donc cela indique qu'Allah Jalla wa Ala aime qu'on l'invoque subhanahu wa ta'ala. Et donc ceux qui l'invoquent réalisent cette adoration légiférée par notre Créateur, alors auront réalisé le commandement et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « Udu'uni, invoquez-moi, estajib lakum, je répondrai à votre appel. » Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » Et certes, les mosquées, al-masajid, appartiennent à Allah, n'invoquez personne en dehors de lui. Et donc Allah Jalla wa Ala nous commande aussi de n'invoquer personne en dehors de lui. Dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit aussi وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Dans cet autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit « À Allah appartiennent les plus beaux noms, les noms sublimes, invoquez-le par ses plus beaux noms. » Dans les traductions approchées du sens du verset. Donc Allah Jalla wa Ala nous ordonne dans son livre de l'invoquer. Et d'ailleurs dans un hadith qui nous prouve que le dua est une immense et grande adoration, qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, le prophète nous dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. C'est l'adoration, comme nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il y a même un autre récit, mais ce récit, beaucoup de savants, certains l'utilisent et certains le mentionnent, et d'autres savants disent que ce récit n'est pas authentique. Il ne remonte pas jusqu'au prophète, sallam, c'est le hadith qui dit « Le dua, l'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. » Ad-dua mukh al-ibad, mukh al-ibad. Et beaucoup de savants disent que ce hadith ne remonte pas véritablement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'est pas forcément authentique. Vous pouvez retrouver dans certains livres, certains savants le mentionnent, du fait que eux peut-être que considèrent que ce récit est bon, ils le jugent bon, ou sinon ils considèrent qu'avec d'autres récits, alors ils peuvent atteindre le degré de bon. Dans tous les cas, ce récit est jugé faible par beaucoup de savants, mais le récit qu'on a qui est authentique, et le récit va dans le même sens, « Ad-du'a hu al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration. Et donc du fait que cette adoration qui est l'invocation, clairement que c'est une adoration qui est grande et noble et immense, alors le musulman, le croyant, se doit de parfaire son adoration. Et donc se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et de ne pas tomber dans des formes de ce qu'on appelle l'i'tida. De ne pas commettre l'i'tida dans son invocation, on avait parlé déjà, une sorte de transgression dans L'invocation. Et cette transgression, c'est des comportements ou c'est des paroles à ne pas commettre pendant l'invocation. Puisque lorsqu'on invoque, on n'invoque pas n'importe qui, on invoque le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur de l'univers, le Maître du monde, le Maître du jour de la rétribution, Allahu Jalla wa Ala. Et donc, parmi les comportements, pour revenir au sujet, parmi les bons comportements adoptés, on avait dit qu'il y a des comportements avant. Il y a des comportements adoptés avant, ce qu'on appelle l'adab, pendant et à la fin de la vocation. Et à la fin de la vocation. Ce qui était avant, on avait stipulé cela dans les assises précédentes, avant comme le fait qu'il est méritoire et recommandé, par exemple, de faire ses ablutions. De faire les ablutions, on avait cité les textes, on avait détaillé cette question-là avant d'invoquer. Avant d'invoquer qu'il était bon de faire les ablutions. Parmi les choses méritoires aussi, faisant partie des bons comportements adoptés avant l'invocation, par exemple, on avait dit le fait de s'orienter vers Al-Qibla. Le fait de s'orienter vers la Qibla, ça, c'est des choses que nous enseignent les savants, et vous pouvez retrouver ça dans des épîtres, dans des livres, où les savants traitent de ce sujet, ils mentionnent qu'il est recommandé, il est bon, méritoire de s'orienter vers Al-Qibla, comme on avait mentionné et détaillé cela avec des textes dans les assises précédentes. Et aussi, on avait dit le fait de lever les mains, et on avait explicité cela dans la dernière assise. Ensuite, les comportements pendant l'invocation. Donc là, on avait dit, parmi les comportements adoptés lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est bon de faire. Et vous avez vu surtout la personne qui a un fort désir. Et toute personne, de toute manière, a ce fort désir lorsqu'elle invoque, elle veut qu'Allah jalla wa ala réponde à son appel, exauce sa demande. Donc toute personne désire et convoite l'exaucement de son invocation et de sa demande. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre les choses de notre côté lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de sorte à accomplir les bons comportements et les bonnes choses. Et les bonnes choses pour justement que nos invocations soient exaucées. Donc on a dit le premier comportement. Citer un yabda ad-da'i, du'a'a bihamdillahi, was-salat, was-salam, ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Première chose à faire lorsqu'on invoque, on avait dit, d'abord faire les louanges d'Allah. De scander les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de faire ses éloges. De faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a fait les éloges d'Allah, une fois qu'on a scandé les louanges, on a fait les louanges à Allah et que ces louanges n'appartiennent qu'à lui, subhanahu wa ta'ala, comme on dit lorsqu'on dit surat al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, les louanges appartiennent au Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, c'est-à-dire ces louanges n'appartiennent qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a fait les louanges, ensuite, on fait les salutations sur le prophète. On avait bien détaillé cela dans l'assise dernière. Donc important de commencer parmi les bons comportements, de commencer par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi faire les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était la première chose qu'on avait dit. Deuxième comportement méritoire, le fait de répéter son dua, son invocation. Par exemple le fait de le répéter trois fois. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent répétait ses invocations trois fois. Et comme on avait mentionné cela, d'après, conformément au récit que nous rapporte Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon et illustre, qui disait que Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ida da'a thalathan, wa ida sa'ala thalathan. Abdallah ibn Mas'ud nous relate que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait, il voulait invoquer, il invoquait trois fois. Wa ida sa'ala thalathan. Et lorsqu'il demandait, il demandait trois fois. Et comme on voit dans de nombreux récits, de nombreux hadiths, on voit que le prophète sallam faisait partie de sa sunna, parfois de répéter l'invocation, de répéter l'invocation. Du fait, par exemple, si la personne, à titre d'exemple, Man sa'ala al-janna thalathan, a'tahu Allahu al-janna, celui par exemple qui demande le paradis, par exemple, demande trois fois, par exemple. Et ça, c'est bon, de dire Allahumma inni as'aluka al-janna, par exemple. Inni as'aluka al-jannah, ou inni as'aluka al-firdaws al-a'la, par exemple. Et quand on demande, le fait qu'il est méritoire, qu'il est bon de demander le plus haut degré du paradis. Allah peut tout donner, subhanahu wa ta'ala. Donc là, la personne qui n'hésite pas dans ses invocations, et qu'il soit même insistant Les savants disent que parmi les choses à faire dans la vocation, qu'il est permis de faire, c'est d'être insistant, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas hésiter. Ici, on demande le paradis, par exemple, de demander le plus haut degré, comme nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, de demander le firdaus, le firdaus al-a'la. Et donc, ça, c'est le fait de répéter qu'il est méritoire. Troisièmement, an yudhira ad-da'i faqrahu wa hajatahu ila rabbihi, ila Allahi azza wa jal. Troisième comportement adopté, lorsqu'on invoque Allah, faire montrer ici, faire montrer son état d'humilité, son état de rabaissement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce besoin qu'on a de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, beaucoup de savants, lorsqu'ils expliquent le bien fondé de l'invocation, et lorsqu'ils expliquent les causes pour lesquelles l'invocation a un mérite particulier au sein des adorations, du fait que dans l'invocation, le serviteur vraiment, là, il montre, il met en évidence, il met en apparence son incapacité, sa faiblesse, son indigence, sa pauvreté, son besoin qu'il a de son Seigneur, sa pauvreté face à son Seigneur, son besoin qu'il a de son Seigneur, le côté humilité. Et donc, vous avez vu, lorsque la personne, il invoque Allah, alors il manifeste cela, il met en évidence cela, que l'être humain, par rapport à son Seigneur, est un être rabaissé. Il invoque Allah avec humilité, et que l'être humain, le serviteur d'Allah, a besoin de son Seigneur. Donc il est indigent, il est pauvre face à son Seigneur. Sans son Seigneur, il n'est rien. Et donc, le serviteur, dans cette adoration qui est l'invocation, il fait montrer justement, il fait montrer sa situation réelle face à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans ce troisième comportement qu'on est en train de noter, qu'on est en train de stipuler ici, le fait que le serviteur mette en évidence cela, son indigence, sa pauvreté face à son Seigneur et son besoin de son Seigneur. Et cela est prouvé, comme on l'avait stipulé dans le verset, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wa du'uhu khawfan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin. Donc ça, vous pouvez retrouver ce verset, c'est le verset 55 et 56 dans la sourate Al-A'raf, dans la sourate Al-A'raf. Et justement, dans ce verset, Allah Jalla wa'ala nous dit: Udu'u rabbakum, invoquez votre Seigneur. Tadarru'an wa khufiya. On avait déjà traduit ce verset, on avait expliqué. En toute dévotion, invoquez votre Seigneur, en traduction du sens relative. Invoquez votre Seigneur avec toute dévotion, soumission et discrétion. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah ensuite nous dit: N'aime pas les transgresseurs. Wala tufsidu fil ard. Barde islahiha, et ne semez pas la corruption sur terre après sa réforme. Wad'uhu, et invoquez-le, khawfan wa tama'a, invoquez-le avec crainte et désir. Inna rahmatallahi qaribum min al-muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc ça, c'est une traduction du sens du verset. Quatrième comportement adopté, méritoire, an yad'u l'abd rabbahu fi kulli haja tanzilu bihi. Que le serviteur, il est bon qu'il invoque Allah pour toute chose dont il est touché, toute chose qu'il atteint, toute chose dont il est touché, il est bon que le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est méritoire pour toute chose qui atteint le serviteur, toute chose qu'il touche, il invoque son Seigneur. Comme on avait stipulé la fois dernière, il nous est rapporté que certains pieux prédécesseurs, ils invoquaient même Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les semelles de leurs souliers parfois se craquaient. Alors ils invoquaient Allah jalla wa ala pour l'amélioration de celle-ci. Cinquièmement, an yukthira ad-da'i min ad-du'a athna ar-raha hatta yustajaba lahu athna ash-shidda. Cinquième comportement adopté pour l'invocation, c'est que le serviteur qu'il soit conscient d'une chose importante, c'est que lorsqu'il est dans une situation d'aisance, lorsqu'il est dans une situation de prospérité, qu'il invoque son Seigneur. Qu'il invoque son Seigneur. Pourquoi? S'il veut que lorsqu'il sera dans une difficulté, dans une situation pénible et difficile s'il veut que son Seigneur réponde à son appel. Donc plus le serviteur reconnaît son Seigneur en situation d'aisance, en situation de prospérité, en situation de bien, plus son Seigneur le reconnaîtra dans la difficulté. Et plus Allah Jalla Wa'ala le soutiendra lorsqu'il sera dans la difficulté et lorsqu'il sera dans la pénibilité et dans l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut reconnaître son Seigneur dans l'aisance et Allah Jalla Wa'ala reconnaîtra son serviteur dans la difficulté et dans l'épreuve. Donc c'est pour ça que la personne, quand il est dans une situation d'aisance, il est dans la facilité, alors il ne faut pas qu'il oublie d'invoquer son Seigneur. Pourquoi? Parce que certains n'invoquent que Allah quand ils sont dans des positions difficiles et dans des situations difficiles. Et là, ils invoquent Allah, ils lèvent les mains. Par contre, lorsqu'ils sont dans une situation d'aisance, dans une situation facile, où tout est bien pour eux en ce moment, alors là, ils omettent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, lui, le serviteur, doit aussi bien dans les situation difficile que dans les situations d'aisance, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est le cinquième comportement qu'on vient de mentionner. Celui qui agit de la sorte, alors il verra ses invocations exaucées. Sixième comportement adopté lors de l'invocation, Allah yastahsir ad-da'i min kathrati ad-du'a, bal yad'u wa yad'u wa yukthir. Rawa Muslim fi sahihi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستحسر يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو ويدع الدعاء فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Le sixième comportement à adopter, c'est justement de ne jamais désespérer, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas tomber dans une sorte de relâchement, dans une sorte de relâchement, mais de multiplier l'invocation. De multiplier l'invocation. Donc le serviteur ne tombe pas dans une sorte de lassitude, il se lasse d'invoquer, de sorte qu'ensuite il sombre dans une forme de désespérance et lassitude. Le da'i, l'invoque, celui qui invoque, doit multiplier l'invocation. Et ne jamais cesser, justement, ne jamais se lasser de cela, et ne jamais désespérer. Désespérer. Bel yad'u wa yad'u. Il invoque, et multiplie les invocations. Rawa Muslim, c'est pour ça que l'imam Muslim rapporte, justement, d'après le prophète, le prophète disait, La yazal yustajab lil abd, ma lam yastahsir yaqul da'awtu da'awtu. Et donc, le prophète, dans ce récit, il nous dit que le serviteur, il lui sera toujours exaucé ses demandes. Tant que la yastahsir. L'istihsar, c'est justement ce point-là, ce qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que l'istihsar? C'est le fait de désespérer en disant qad da'awtu wa qad da'awtu. Mais j'ai certes invoqué. J'ai invoqué. Falam ara yustajabuli. Mais je ne vois pas que mon invocation est exaucée. Je n'ai pas remarqué que mon invocation est exaucée. Et donc ensuite, à force de, s'il dit cela, j'ai invoqué, mais j'ai pas vu que mon invocation, elle a été exaucée, alors ensuite il va délaisser l'invocation. Ce point-là, justement, c'est ce point-là qu'on est en train de traiter. Que la personne ne désespère pas, et lorsqu'il invoque Allah, qu'il ne dise pas, mais j'ai invoqué, mais j'ai pas eu de réponse à mon appel, à mon invocation. Qu'il ne dise pas ça, ça c'est l'istihsar. C'est l'istihsar. Et ça, le prophète nous défend de faire cela. Pourquoi? Parce que le prophète nous dit, tant que le serviteur ne fait pas cela, il sera exaucé. Justement, tant que le serviteur ne dit pas cela et ne fait pas cela, il sera bi'idhnillah exaucé, comme nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela, le musulman, le serviteur, invoque Allah, multiplie les invocations et il ne dit pas qad da'awtu wa qad da'awtu wa lam ara yustajabu li fala yaqnat. Et donc il ne désespère pas. Sabi'an, sabi'an. Et il ne relâche pas aussi. Sabi'an, septièmement, an yatakhayyar ad-da'i awqat al-ijaba fayukthir fiha ad-du'a wa yajtahid fiha. في الدعاء من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة وساعة الإجابة يوم الجمعة وثلث الليل الأخير وعند الإقامة وعند التقاء الصفوف وعند سماع صياح الديك والديك كذلك وقبيل الإفطار وفي حالة السفر كذلك. Alors, septième comportement qui nous est relaté, lorsqu'on invoque, il est bon, les savants nous disent qu'il est bon de choisir les moments propices où les invocations sont exaucées. Donc on peut invoquer Allah en tout moment, à tout instant, sauf qu'il y a des moments qui sont bons et méritoires et dont on a des textes où le prophète ensemble nous enjoint et nous encourage, nous incite à invoquer Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments précis, propices pour l'exaucement des invocations. Donc de choisir ces moments-là et de multiplier les invocations et de faire vraiment des gros efforts en ces moments-là. Comme par exemple, ce qu'on appelle awqat al-ijaba. Alors, awqat al-ijaba, les moments d'exaucement. Les moments d'exaucement, comme par exemple, bayna al-adhan wa al-iqama. Entre l'adhan et l'iqama. Lorsqu'il y a l'appel à la prière, vous avez vu, lorsque le muadhdhin fait l'appel à la prière, jusqu'au moment où il va faire l'iqama pour l'accomplissement de la prière, alors ce moment-là, on appelle ça que c'est un moment où il y a min awqat ijabat ad-du'a. C'est un moment où les du'as sont exaucés. C'est pour ça, là, il faut multiplier les invocations et les ijtihad, par exemple, à ce moment-là. On a, par exemple, Le vendredi, il y a une heure, Yom al-Jumu'ah, il y a une heure où les invocations sont exaucées. Par exemple, on a fait thuluth al-layl al-akhir, dans le dernier tiers de la nuit. Donc là, c'est un moment propice. C'est un moment là où les invocations sont exaucées. Et donc, thuluth al-layl al-akhir. D'ailleurs, il y a le célèbre récit qui nous dit que Allah Jalla wa Ala descend au premier ciel. Et Allah dit, parmi ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous a enseigné le prophète sallam dans un hadith authentique, qui est-ce qui m'appelle, que je réponds à son appel, qui est-ce que m'invoque, que je lui donne, qui est-ce qui me demande le pardon, que je lui pardonne. Et donc ça, c'est au dernier tiers de la nuit. Wa'ind al-iqama. Aussi, il est dit pendant l'Iqama, lorsque le Mouaddin fait l'Iqama. À ce moment-là, Ad-Dua, son Mustajab. Wa Kadalika. Par exemple aussi, en période de jeûne, par exemple, juste avant l'Iftar. Juste avant l'Iftar, la Qubayl l'Iftar, là, les Dua sont exaucés. Wa fi halati safar. Par exemple, en voyage aussi. Comme on avait déjà stipulé cela dans d'autres assises. Voilà, ça c'était concernant les comportements adoptés pendant l'invocation. Et dans la prochaine assise, de demain, Inch'Allah, bi'idhnillah, on commencera adab khatm ad-du'a. Le comportement lorsqu'on clôture l'invocation. Le comportement adopté lorsqu'on clôture notre invocation. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك